Chapitre 3e. Rose Rosier, assise près du feu qui flambait joyeusement par cette matinée d'avril encore fraîche, buvait une tasse de lait chaud à petites gorgées, sans l'empressement habituel des convalescents. Sa vieille bonne Florence la regardait du coin de l'œil, tout en rangeant la chambre claire et gaie, et hochait la tête de temps en temps. « Si tu te mets à broyer du noir comme ça, dit-elle enfin, tu ne guériras jamais, ma fille. » Mademoiselle Sorel fit un mouvement d'humeur. « Tu devrais plutôt, continua la fidèle servante, te sentir égayée, rajeunie, par la pensée que tu as échappé à la mort, et qu'il ne tient qu'à toi de recommencer à jouer. À moi. Eh, si je le pouvais, je jouerais dès demain. Est-ce que je puis? Tiens, laisse-moi tranquille, cela vaudra mieux. » Elle se détourna avec un geste d'impatience. La vieille bonne, appuyée sur son balai, se posa en face d'elle. « Il faut que tu m'entendes, » dit-elle avec la double opiniâtreté des vieillards et des vieux serviteurs. « Il n'y a que moi pour te dire des vérités, et il faut que tu les écoutes. Tu n'as pas besoin de me regarder comme ça. Tu me dirais des sottises que ça ne m'empêcherait pas de parler. Tu es maussade, parce que l'argent s'en va et que... cela ne suffit pas ?» interrompit la comédienne en regardant Florence d'un air irrité. « Ça suffit très bien, mais il y a autre chose. Plein d'argent n'est pas mortel, » dit le proverbe, « et c'est bien vrai. » Tu avais mis un peu d'argent de côté dans le temps. Ça, c'était encore une de mes idées. Tu as été bien aise de le trouver, n'est-ce pas? À présent, voilà que nous en avons dépensé une bonne part pour ta maladie. Je ne vois pas que ce soit un grand malheur. Tu conviendras que ça vaut mieux que d'être resté infirme à l'hospice, comme il serait arrivé sans ce brave monsieur Langlois, que le bon Dieu conserve. Les sourcils de mademoiselle Sorel se contractèrent, mais elle ne dit rien. « Si tu voulais te donner seulement un peu la peine de manger les bonnes petites choses que je te prépare. Je n'ai pas faim, » dit la jeune femme, « de marcher un peu au soleil dans ton jardin. Cela me fait mal. » Et de ne pas être toute la journée maussade comme une porte de prison, continua imperturbablement la vieille bonne. « Il y a plus d'un mois que tu cours comme un lièvre. » La comédienne tourna vers Florence son beau visage encore pâle. « Je m'ennuie, » dit-elle lentement. Mais d'un tout aussi décidé que si elle énonçait une résolution suprême. « Raison de plus pour te guérir bien vite et recommencer à jouer, » riposta Florence. « Je te connais, il n'y a que ça qui te désennuiera. » Rose Rosier se leva et repoussa brusquement la petite table placée devant elle, sans souci de son bol de lait qui se répandit sur le tapis. « Jouer? Est-ce que je le puis? Est-ce que je sais si je pourrai jamais jouer? Si mes jambes brisées pourront jamais marcher, courir? Si mes bras voudront se lever au ciel, si mon corps roidi par la longue maladie, par l'inaction, plus terrible que le mal, pourra encore se plier et se mouvoir, jouer. Mais je ne puis pas marcher sans m'appuyer sur une canne. Mais à chaque pas que je fais, je sens une fibre qui se brise dans mes pieds et dans mes genoux. Je suis gauche et lourde, je m'appuie au mur, je m'accroche au meuble pour me soutenir, et tu viens me parler de jouer. Tiens, regarde-moi. » Elle fit deux pas en avant, en oscillant sur ses pieds douloureux, et s'arrêta contre le marbre de la cheminée, où elle s'appuya en regardant Florence de ses yeux irrités, pleine en même temps de larmes, de douleur et de colère. « Oui, oui, je sais très bien que tu ne voltiges pas comme une danseuse, » reprit la vieille bonne en achevant d'essuyer le lait répandu. « On ne te le demande pas. Ce qu'il y a de positif, c'est que tu marches, et qu'il y a 6 mois tu étais dans un appareil, sur le dos, sans pouvoir bouger plus qu'une momie, et que tu poussais des cris horribles quand on s'approchait seulement de ton lit. Tu es arrivée ici sur une civière, ma fille, comme un mort qu'on emporte. Et te voilà debout aujourd'hui, belle et fraîche tout de même, et jolie, oui jolie, malgré les vilains yeux méchants que tu me fais. Eh bien, je te dis, moi, que tu es trop molle. Il faut te secouer. C'est drôle, par moments je me suis dit que tu n'avais pas envie de guérir, que ça t'amusait de te faire soigner. Allons, en voilà assez, » dit brusquement la comédienne en détournant son visage, qu'une vive rougeur venait d'envahir. « Va étendre ton linge au soleil, va !» Florence ramassa son balai et son plumeau, mit une bûche au feu et sortit sans mot dire. Elle se sentait arrivée à ce point particulier de leur discussion qu'elle ne devait jamais dépasser, sous peine de provoquer un terrible orage. Restée seule, Rose se pencha vers la glace et examina son visage avec attention. Ses traits, d'abord contractés, se détendirent peu à peu, et elle finit par sourire faiblement à son image. « Jolie, » se dit-elle tout bas, « oui, je suis encore jolie, mieux que cela, peut-être. Les traits sont restés purs, pas de rides. Les plis creusés par la souffrance se remplissent et s'effacent. 26 ans après tout, c'est un âge où tout se répare. J'ai encore devant moi des années de jeunesse et de beauté. Un coup de sonnette retentit, le pas de Florence cria sur le gravier, et la voix franche de Langlois résonna dans le vestibule. « C'est le docteur, » dit Florence en ouvrant la porte. Rose était rassise en arrangeant autour d'elle les plis de son peignoir bleu qui encadrait si bien sa beauté sculpturale. Langlois entra d'un air un peu trop vif, un peu trop gai, pour être tout à fait naturel. « Eh bien, ma belle convalescente, » dit-il sur le seuil, « comment va-t-on ici ce matin ?» Elle sourit, secoua doucement la tête, mit sa main longue et fine dans celle qu'il lui tendait, et les laissa un instant, un millième de seconde de plus qu'il n'était nécessaire. « Pas bien ? Pas de courage ? C'est le froid du matin. Mais le temps se couvre. Nous allons tantôt avoir une jolie petite pluie d'avril, chaude et gaie. Cela va faire une détente à vos pauvres nerfs. » Il s'assit en face d'elle. « Un feu pareil. Vous feriez mieux de vous chauffer au soleil. Cela vaut tous les feux du monde, même ceux de la rampe. Vous souriez. Vous ne le croyez pas. » « Si fait, docteur, » dit-elle de sa voix grave, celle dont on se sert au théâtre pour commencer les tirades passionnées. Le silence régnait entre eux. La bûche flambait joyeusement avec de petits crépitements et des volées d'étincelles. « Vous m'avez dit, n'est-ce pas, docteur, que vous étiez marié ?» reprit Rose. « Comment va, madame Langlois ?» Elle regardait le médecin entre ses paupières approchées, comme on regarde un objet qu'on veut graver dans sa mémoire. La tête légèrement rejetée en arrière, elle attendit la réponse. « Je dois vous l'avoir dit, en effet, » répondit Langlois, un peu surpris. « Madame Langlois va bien, aussi bien que le lui permet son état. Je vous remercie de l'intérêt que vous lui portez. » « Vous vous êtes donc marié pendant ma maladie ?» reprit Rose avec une nuance de raillerie. « Autant qu'il m'en souvient, vous étiez garçon lors de mon dernier passage à Chartres. L'étiez-vous encore quand vous êtes venu me chercher à Tours ?»« Oui, » répondit le médecin en la regardant bien en face. « Et vous avez eu le temps de vous marier sans que je m'en aperçoive. Mon Dieu, comme vous avez dû vous dépêcher. » « En effet, » dit gravement Langlois, « je suis venu vous voir le jour même de mon mariage, dès le matin, avant de me rendre à la mairie, et le soir, avant de prendre place au dîner de noces. C'était le 11e jour de votre fièvre cérébrale, il y a maintenant 8 mois accomplis. » « Je vous remercie, » murmura Rose en tendant spontanément la main au jeune médecin. Il ne fit que l'effleurer. C'était un mariage assez singulièrement conclu, reprit Langlois. Mes parents n'avaient beaucoup parlé avec ceux de ma femme future. On n'avait omis d'en parler qu'à moi. Vous fûtes pris au dépourvu, dit Rose d'un ton sarcastique. Non, la future madame Langlois avait tous les mérites que l'on peut exiger dans une épouse. Je fus heureux d'obéir à mes parents en acceptant de leurs mains toutes les garanties de bonheur. Mes compliments, fit Rose d'un ton bref, et elle se laissa aller nonchalamment au fond de sa chaise longue. « Comme on se crée parfois de singulières chimères, » reprit-elle après un court silence, « je m'étais figuré tout autre chose de vous. Je vous croyais un homme entreprenant, audacieux, un peu cerveau brûlé. Votre expédition pour me ramener de Tours m'avait donné de votre caractère une idée qui, je le vois, était erronée. Et vous voilà mariée, casée, fixe à l'ombre du clocher natal. » Elle regardait du côté de la fenêtre, l'horizon bas et plat, au-delà des saules qui bordaient la rivière, et son regard glissait par-dessus le médecin sans l'effleurer. Langlois ne disait rien. Il sentait, sous l'apparente simplicité de ses paroles, des sentiments complexes non exprimés qu'il ne voulait pas s'exposer à interpréter. Il y avait eu quelque peu de sa faute, dans le malentendu qui régnait évidemment entre Rose Rosier et lui-même. Le mouvement auquel il avait cédé en allant chercher à Tours l'artiste blessé était en effet une révolte de son esprit aventureux, contre le mariage de raison imposé par la famille et les convenances. Si, tout de suite après, la présence radieuse de la jeune épousée, sa grâce chaste, son empire insensible et pourtant si puissant, avait changé le cœur du mari indifférent, si Langlois avait appris tout à coup, avec l'espoir de la paternité, tout ce que renferme le cœur d'une jeune femme de 18 ans, qui se consacre et se dévoue à son mari et à son enfant, sans arrière-pensée personnelle, Rose Rosier n'en savait rien et n'en pouvait rien savoir. Si elle avait continué à voir en lui l'enthousiaste qui, l'année précédente, lui avait adressé de si vifs témoignages d'admiration, si ce voyage mystérieux, cette cure presque miraculeuse, avait inspiré à la jeune comédienne la pensée qu'il nourrissait pour elle des sentiments plus vifs que ceux qu'un médecin porte d'ordinaire à ses malades. Le mariage de Langlois avait en effet lieu de l'étonner. Il était sûr, maintenant, de ne lui en avoir jamais parlé. Pourquoi ? Voilà ce qui eût été difficile à expliquer. Au fond, il était content que quelque bavardage eût appris à la jeune femme une chose toute simple, qui n'avait pas d'importance, mais qui semblait en prendre par le seul fait d'avoir été cachée. Qui donc avait dit à Rose que Langlois était marié ? Ce ne pouvait être que juste André, ce matin. Il s'était présenté avant 10 heures et avait été reçu. « Vous avez vu mon ami Juste ? » demanda-t-il à Rose, qui avait suivi sur son visage les mouvements de ses pensées. « Juste André ? Non, il est ici. » Rose s'était soulevée sur son coude avec un tel accent de sincérité que Langlois regretta son soupçon. Les yeux de la jolie comédienne brillaient d'un éclat extraordinaire. Il répéta sa question avec vivacité. « Oui, il doit venir vous voir. Le recevrez-vous ? Je le crois bien. Le plus fervent de mes admirateurs. Voir Juste André, mais c'est rentré dans la vie. Savez-vous, docteur, depuis tantôt 8 ou 10 mois que je ne vois que vous, il me semble être un peu enterré vivante. C'est vous qui l'avez voulu, dit froidement Langlois en se levant. D'ailleurs, c'est moi qui ai appris à André votre résurrection. Il vous croyait morte. Le pauvre garçon, il avait fait des vers. Je suis sûr, docteur, qu'il avait fait des vers. Voyons, dites-le-moi, qu'est-ce que cela vous fait ? « Vous le lui demanderez à lui-même, » répondit le médecin en prenant son chapeau. « Il viendra, je pense, vous voir aujourd'hui. »« Quel bonheur !» s'écria Rose en frappant ses mains l'une contre l'autre. « J'ai 1 million de choses à lui demander. Il me parlera de Paris. »« Il va à Paris toutes les semaines, n'est-ce pas, docteur ? Vous êtes bien gentil de lui avoir dit de venir. » Langlois s'inclina froidement. « De l'exercice au soleil, » dit-il en prenant congé de sa malade. « Beaucoup d'exercices et de la gaieté. Je crois même qu'un petit voyage vous ferait du bien, dans 15 jours. Au revoir. »« Au revoir, » dit Rose en lui tendant la main. Il la serra distraitement et sortit. Dans le vestibule, il rencontra Florence et une idée lui vint. « Qu'est-ce qu'elle dit à mademoiselle que j'étais mariée ? » demanda-t-il en tournant le bouton de la porte. « C'est moi, » fit la vieille bonne qui le regarda d'un air de défi. « C'est très bien, Florence. » « Vous avez bien fait, » répondit-il tranquillement. « Ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas pensé à le lui dire plus tôt. À propos, il viendra aujourd'hui un jeune homme, Monsieur André. Mademoiselle le recevra probablement. C'est la première fois qu'elle verra un étranger depuis son accident. Tâchez qu'elle ne cause pas trop longtemps et qu'elle n'attrape pas trop de fièvre. S'il se trouvait plus mal, vous m'enverriez chercher. » Et il disparut aux yeux de la vieille servante stupéfaite.